Voilà, dans ce micro ouvert, on entend dans un premier temps un monsieur qui passe comme ça. Et ben voilà, je vous laisse découvrir la suite. Voilà, alors tu disais, enfin vous disiez, cher monsieur, que vous Non, étiez. non, tu me dis tu, pas d'hypocrisie, moi, pas vous, tu. Ok, tu. Dans le sens, les gens ne le savent pas, mais je dis tu, mais je viens. Je... Voilà. Vous êtes tous des hypocrites, vous êtes méchants, vous tuez les plantes, vous tuez tout. Tu, pas vous. Ok, et qu'est-ce que j'allais dire? La phrase que j'ai tiquée, c'est « moi je suis pour la violence », c'est ça? Expliquez, expliquez. Je m'explique, je suis pour la violence, je suis contre la non-violence. Gandhi est un con. Depuis que je suis violent, depuis que je suis salaud, je réussis. Surtout les femmes, elles aiment les salauds. Et j'aime beaucoup les femmes. Voilà. Ok, est-ce que vous pouvez approfondir? Approfondir quoi? Vous comprenez tout, vous me faites chier, blablabla, tout le monde parle. Moi, je suis un homme d'action. Hein. Moi, je crois pas au dire, je crois au parler, faire, faire. Je crois pas au dire, je crois au parler. Non, je crois au faire. Non, pas oui, ouais, je crois au faire. Je ne crois pas au dire et au parler, je crois au faire et au agir. Excusez-moi. Écoutez, c'est super parce que juste avant, je parlais avec mon copain François et j'en étais là aussi à dire il faut faire action. Mais action, comment, quoi, une idée? Oui. Parce qu'à part que les femmes aiment bien qu'on soit violent avec elles, salaud avec elles. Les femmes? Ah oui, elles aiment bien les salauds. Pour les femmes, les hommes, c'est des mous, c'est des efféminés, c'est des pédés. Je peux appeler les choses par leur nom? Eh bien, moi, je vais vous dire, je suis une femme et j'aime pas trop ce que vous. Non, moi, j'aime pas la violence, voyez? Sarah, t'aimes bien la violence? Mais il n'y a que comme ça que les gens comprennent. Hein. Oui, mais là, il est occupé de dire avec les femmes. Hein. Non. Tu vois, on est deux femmes, on n'aime pas la violence. Mais continuons notre conversation. Action. Action dans quoi maintenant, par exemple? Quelque chose de très concret. Action dans quoi? Ben, il faut agir. C'est spontané. L'instinct, tout est clair. Les gens parlent par lâcheté parce qu'ils n'ont pas le courage d'agir. Ils savent ce qu'il faut faire, ils font pas, ils parlent. Voilà. Ah, toi, tu crois qu'ils savent ce qu'il faut faire. Moi, je crois qu'ils savent pas ce qu'il faut faire. Du coup, ils parlent. Du coup, Oui, ils parlent. non, je parle des gens des plus intelligents. Les autres, c'est pire. Ils savent pas ce qu'il faut faire, c'est vrai. Mais même quand ils sauront, ils n'auront pas le courage. Vous, par exemple, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous êtes là, je vous ferai pas. Voilà. Et vous savez ce qu'il y a à faire et vous le faites pas? Vous êtes lâche aussi, parce que, excusez-moi, mais vous avez fait quoi, vous, hier ou avant-hier? Ça, c'est ma vie privée. Ah non, on est occupé à parler, ce qui nous relie, on parle que parler, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut agir. Jusque-là, je vous suis, moi, d'accord? Vous avez fait quoi récemment, qu'on puisse être fier de vous et que vous n'êtes pas lâche ou non plus comme les autres? Vous avez fait quoi? Moi, j'agis seul, je ne dis pas ce que je fais, je ne crois pas aux associations, aux partis, ils sont tous là pour, ils ont une idée derrière la tête, au moins quand ils sont honnêtes, hein, quand ils sont honnêtes, ils sont là parce qu'ils ne savent pas vivre seuls, ils ont peur de la solitude et voilà, voilà. Qui a peur de la solitude? Je vous ai pas suivi là. Les gens? Tout le monde, vous, sauf moi. Surtout les femmes, bien sûr. Bien sûr, je dis toujours un homme est un demi-homme sans femme. Et une femme est un quart de femme sans homme. Quelque chose à rajouter sur tout ça, entre l'action et le dire et le parler? Parce que c'était ça, c'est là-dessus que ça m'intéressait aussi. Mais je vois que vous n'avez rien de concret à me proposer non plus d'action, quoi. On ferait quoi comme action si on pouvait rêver sans penser à l'aspect matériel? On ferait quoi là demain, aujourd'hui on ferait quoi? Non, j'ai rien à proposer, je propose rien et je n'ai confiance en personne et chacun doit comprendre tout seul. Et il y a dans l'air un langage que les gens qui savent cette langue le saisissent et ils agissent seuls. Voilà. Après l'action, ils se retrouveront, quand ça aura marché, pas avant. Voilà. Merci. Ah. Voilà, et le deuxième reportage que l'on va entendre, c'est un reportage fait à Fès avec des Marocains. Voilà, il y a pas mal de gens dans l'assemblée. Je sais, ça ne se voit pas, c'est normal, c'est de la radio. Pas mal de gens ne parlent pas bien français, mais on se débrouille, on se débrouille. Et ça discute, et c'est parti. هذاك طفاي اخويا هذاك الصندري نعم اه يا وسي سا لابا سي كلكان اون في دو لا بيتي تروك سكري ابري شي بلي بغا شي حلوه ايوا الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله Est-ce que vous aimez que je vous adresse la parole en arabe? Oui. Moi, je trouve que la langue arabe elle est... on pourrait démarrer. Qu'est-ce qui nous relie? C'est le Maroc. Voilà, on est arrivé ici. Voilà, le Maroc. Le Maroc, c'est le nord d'Afrique. C'est le sud d'Europe. C'est tout. Le Maroc. Le bon touche d'arabe. Le bon touche gauche arabe. Le nord, il y a la Méditerranée. Au ouest, il y a l'Atlantique. Au sud, il y a le Sahara. Au centre, il y a Fès. À droite, il y a l'Algérie, Tunisie, la Libye. Le Maroc, c'est un très bon pays du monde. C'est tout. C'est comme... Aziz. Excuse-moi, j'ai un souci avec les prénoms toujours. Merde, j'avais une question, je l'ai oubliée. Aziz, Maroc. J'ai perdu mon fil. J'avais une question, elle est partie. Maroc. Aziz, c'est Maroc. Attends. C'est les herbes. Hadarlask, parle de toi. Ah, je parle de moi et quand je parle de toi, c'est comme je parle de moi. On parle de nous. Il n'y a pas quelqu'un précis ici de ce qu'on parle qui est le sujet, mais nous, on parle de nous tous. Et chacun peut donner son opinion. Alors, on complète les choses. Moi seulement, je dis ce que tu fais qui est bien. Ce n'est pas quelque chose de mal. Aziz, tu vends des herbes? Oui, je vends des herbes. Tu tiens un petit magasin ici à Fès. Quoi? Tu tiens un petit magasin ici à Fès. Je travaille avec mon père. Nous sommes beaucoup de frères. T'es né ici? Quoi? Est-ce que tu es né ici? Je suis né à Fès. Ah oui, je suis né à Fès. Je travaille avec mon père au magasin des plantes comme ça, médicinales. Les épices comme ça. Et quoi? Qu'est-ce que tu veux encore? Tranquille. Je crois que vous ne comprenez pas bien la démarche. De ce micro et tout, c'est vrai qu'on l'a pas très bien expliqué. En fait, on parle de notre vie comme ça. On cause de. Toi, tu peux poser des questions. Good. Tu trouves des réponses. Facile. Ouais. Peut-être ce soir, je suis pas doué pour poser des questions, quoi. Moi, j'aime les questions de oui, non. Oui, non. Comme ça. Facilement. Tu connais? Allez, qu'est-ce que tu peux? Moi, un sujet. Le sujet, moi, depuis que je suis arrivé ici au Maroc, dans les discussions qu'on a eues, il y a plusieurs fois la pensée autour de la question du moment présent, de vivre dans le moment présent. J'ai l'impression qu'il y a une philosophie ici par rapport à ça, une manière de parler de ça, et je voulais vous connaître votre façon de parler du moment présent. Excuse-moi, comment s'appelle votre radio? FM, AM, quoi? FM. FM quoi? Comment s'appelle votre radio? Radio Campus Bruxelles, c'est la radio universitaire de Bruxelles. À Bruxelles, juste? Ouais. C'est tout? Ok, comment s'appelle le directeur de ce canal ou quoi? C'est pas un canal? Oh, mais pour, ça n'a pas d'importance. Dis. Le directeur. Je le connais même pas. Si tu dis quelque chose mal de moi, je fais un tribunal. T'inquiète, on te voit pas. Ah quoi? C'est pas parce qu'il y a un micro qu'on te voit. Quoi? On te voit pas. Je vois pas, mais j'écoute. Ouais, mais on te connaît pas. Moi, non, à toi. On ne te connaît pas. Après, non, le médecin, c'est très connu. Et non. Tu dis la médecine, Fajdi, tu te connais Aziz. Bon. C'est facile de trouver. C'est facile de me trouver. Le temps présent. Le temps présent. Vous vivez ça comment? Comment ça se dit en arabe, le temps présent? Halan. Halan, halan. Maintenant. Ça veut maintenant? Non. Quoi maintenant? Non. On bève de vin. On bève de vin. On boit. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça marche pas, hein? Le présent, ça veut dire ce que tu sens au présent. Comment la situation économique, comment la situation sociale, comment on vit les gens, comment. Comment ce n'est pas ton affaire? C'est... Non, tu peux parler de toi-même. Moi, je parle de moi-même. Oui, je parle. Et toi, Aziz, tu dis. Tu dis qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire, c'est ça? Ce qu'on a à faire maintenant. La situation économique, sociale, on s'en fout. On va boire, on va dormir maintenant. Ok? C'est bon? Et toi? Non. Quand on va dormir? Non, je vais réfléchir. Parce que la situation de boire chaque jour, ce n'est pas une bonne habitude. Mais on boit pour arriver à un certain point de vérité, comme on dit, parce qu'on lâche la langue, on parle avec liberté, on est dans un pays libre quand même. Alors, moi, je prends toutes mes responsabilités de ce que je dis. Moi, j'ai peur de personne, j'ai peur que de Dieu, et je respecte la loi, et je suis respecté. Alors, nous, on vit... pour vivre, ce qu'il voulait dire. Mais non, il faut vivre pour faire vivre. Quoi? Quoi? What? C'est bon ça? C'est... Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Ah. C'est bizarre, ça. Vivre pour vivre ou vivre pour faire vivre? Vivre pour faire vivre. Voilà le débat. Oui. C'est quoi vivre pour vivre? Vivre pour vivre et faire vivre. Parce que tu ne peux pas vivre sans avoir la vie pour avoir le pouvoir de donner la vie. Si qu'on apprécie la vie, on apprécie la vie tant qu'on est des êtres humains. Et la vie, c'est un don. C'est des gifts. C'est un don de Dieu pour toute sa création qui sont la vie. C'est ça la différence entre nous et les animaux. Ce n'est pas qu'on mange pour vivre ou on vit pour manger. Ça, c'est une question qui est déjà posée avant, qu'ils n'ont pas trouvé de réponse. Mais... Qu'est-ce qu'il dit, vivre? Je dis ça quand j'ai soif, la fièvre. Quand j'ai la fièvre. Et quand il est ivre. J'ai une question. Pourquoi vous ne connaissez pas l'arabe? Bah, j'ai pas grandi ici. Moi aussi, j'ai pas grandi en France. Oui, mais les Français sont venus coloniser ou je sais pas quoi ici. Hein? Combien reste au Maroc? 40 ans. Dans vos écoles, vous apprenez le français? 40 avec moi, donnez rien. Vous restez au Maroc, vous payez l'hôtel, vous payez tout. La France ne payait rien. Il faut payer. 40 ans au Maroc. Elle prenait beaucoup de choses du Maroc. Ah, vous voulez que la France paye ses dettes envers le Maroc? Ah oui, 40 ans, il faut nous donner. Mes parents n'ont pas étudié. C'est une crème. Il faut payer. Dis ça à M. Sarkozy, s'il te plaît. القرآن المدي وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتتعارفوا Le Coran a dit que nous avons créé des tribunes, des villageois, des patries pour se connaître. Il va continuer. Ça, le Coran, de l'arabe. يعني احنا نكمل الايه القران وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا توت لي بي دو موند اكرمكم عند لا دوزيام باراغراف دو كوران ان اقربكم الى الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم لو بلو جينيرو دو فو اي لو بلو ابروشي دو موا سي لوي كي اي بروش دو ديو qui fait bien avec sa création. Et faire le bien dans l'islam, ça ne n'indique pas de traiter les musulmans avec cette façon, mais de traiter toute la création, tous les êtres humains. Parce que nous sommes un message. Nous avons un message à transmettre au monde, qui est l'islam, qui est mal connu aujourd'hui. Parce qu'il y a des mains qui jouaient dans les choses et qu'il y a des gens qui ont donné un mauvais visage pour ce islam qui est attaqué, ignoré par les Occidentaux parce qu'ils ne le savaient pas. Mais il vient toujours avec le bien, soit pour l'homme ou pour la femme. Seulement, il fallait l'étudier. Et pour l'étudier et le comprendre, il faut apprendre l'arabe. Pour bien comprendre la tonalité et la sonorité de la voix et de la lettre. Parce que la calligraphie arabe, il est significatif. Toutes les lettres, elles ont une signification. Oui. Et ce sont des sujets qui sont un peu très gras, qui sont difficiles un peu à digérer pour les autres. J'aimerais pas être loin de mes amis. J'en reviens. Ils peuvent prendre le micro. Merci. Merci. Choukran. Moulay Ali peut parler. Qu'est-ce qu'il y a à dire à ça ? Elle va le traduire. Je vais parler arabe, le traduire. Quand c'est le monde, Inch'Allah, Kamel, Saada, Oulhana, Oussorur. C'est fini. Il espère pour tout le monde la paix et le bonheur. Et vivre comme des frères, solidaires, et la main dans la main pour passer cette vie. Ça, c'est l'explication de la Sourate, ce qu'il avait dit le monsieur. Parce que le message de l'islam, c'est d'avoir nos remettre tous frères. Le message en Occident, là, ça passe pas comme ça. Hein. Oui. Tu es un peu au courant ? Oui, je suis un peu au courant parce que je sais que les médias ont le grand pouvoir dans la vie des humains européens parce que les gens sont pris par le travail plusieurs temps et comme ça, quand ils veulent l'information, ils se précipitent soit vers l'Internet, soit vers les papiers du journaliste ou la télé, qui ne dit pas la réalité. Parce que chacun dit ses informations avec les idées qui lui conviennent. On peut voir les informations, par exemple, dans la Jazeera, ce n'est pas comme les informations en France 24, ou soit comme l'Arabia, ou soit... Chacun a une pédagogie à suivre. Une idéologie, et nous, l'Occident, les Occidentaux, moi je le dis, sont des pauvres. C'est pas pauvre matériel, mais maintenant ils commencent à se pauvrir matériellement, mais maintenant, et avant, c'était spirituel. Parce que les gens, même chrétiens, ils ne le sont pas. Mais qu'on fait un compte des gens qui participent à la prière, on va trouver ici au Maroc, la plus grande majorité part à la mosquée et fait la prière. Ça veut dire qu'ils sont sous l'obéissance de Dieu. Et quand tu dis obéissance de Dieu, ce n'est pas un esclave, parce qu'il n'y a pas d'esclave. Nos mères l'ont donné libre, et ça c'est écrit dans le Coran. « Al-Nasu waladasum ummahatuhum ahrar » les gens sont nés libres. Il faut laisser libre. Ça fait. Je m'excuse de ouais, on était là, on parlait, ouais, c'est, enfin, je suis la pensée, là, on parlait de l'islam en Occident, qu'il est vu d'une drôle de manière. Vous êtes au courant, par les médias, etc. Enfin, comment vous voyez ça, de votre point de vue, parce que... Bon, j'explique comme ça, on parle de la même chose. Il faut écouter l'islam, pas les musulmans. Les musulmans sont mal. Il y a beaucoup de gens mal des musulmans. Mais l'islam, c'est bon. Ce qu'il fait l'islam, les musulmans font l'islam vrai, ils sont très gentils avec tout le monde. Il y a des gens musulmans en Belgique, en France, qui sont volés. Ça, c'est bien. C'est mal pour l'islam. C'est pas bien. Tu connais ? C'est ça. Il faut différer. L'islam, c'est une chose. Les musulmans, c'est une autre chose. Il faut chercher l'islam d'abord. Après, parler avec les musulmans. Les musulmans, ce n'est pas l'islam. Mais il y a aussi l'islam modéré, on va dire. Modéré, l'islam... Il y a l'islam extrémiste aussi. C'est l'islam radical. L'islam oui. D'Afghanistan, ce n'est pas l'islam du Maroc. Non, je sais bien. Je sais bien. Mais en Europe, on entend surtout parler de l'islam, on va dire, extrême. Et on ne parle pas assez de la base de l'islam, sa philosophie, son système politique, social. On va plutôt parler de quelque chose qui fait peur, parce que c'est la montée des extrémismes. On parle des informations. Objection. Les extrémistes sont fabriqués par l'Occident. Parce que le monde arabe islamique ne connaît pas d'extrémistes. Et ça, on peut connaître cet exemple, était en Andalousie. Où c'était les moments où il y avait l'islam à la hauteur et au niveau. Ça ne va pas dire qu'il n'y avait pas la civilisation. On voit combien ils ont bâti, combien de palais, combien de bonnes constructions, des bons jardins. Et ça ne vient pas du vide, ça vient des études. Ils sont des études islamiques, qui sont de la géographie, de l'astrologie, de l'art, de l'irrigation d'eau. Tu peux voir ça à Cordoba et à Granada. Mais ce qui fait du mal, c'est que l'Occident a obligé les pays colonisés à poursuivre une certaine pédagogie qui n'est pas la sienne. Alors, on s'est dévié vers notre nature. Et maintenant, on n'est pas européen et on n'est pas des musulmans. Parce que l'islam... c'est quoi l'islam ? L'islam, c'est la paix. Et quoi le musulman ? Le musulman, le vrai musulman, c'est celui que les gens sont protégés de sa main et de sa langue. Ne blesse pas avec les gens avec sa langue, il ne touche pas, il ne fait pas de mal avec sa main. C'est ça l'islam, c'est ça le musulman. Et le musulman, c'est celui que les gens sont protégés de sa langue et de ses paroles. Voilà, là c'est on cherche toujours l'idéal. Mais au moment qu'on se trouve dans le brouillard, tu ne peux pas voir l'idéal. Hein. Et le brouillard, c'est le matériel, c'est le surplus, ce qu'on demande dans la vie. On est sorti de notre système. Notre système, c'était le soufisme. Et le soufisme, c'est la satisfaction. Et tant que tu as une population bien satisfaite de ce qui est là, elle peut grandir, elle peut s'enrichir. Il peut faire beaucoup d'économies. Et tant qu'on n'a pas l'éducation de ne pas faire le gaspillage, ça touche la nature aussi. Il y a des associations maintenant qui disent, voilà, il fallait faire du bien avec la nature, protéger les arbres. Ça, c'était déjà écrit dans le Coran. Le droit de l'homme, le droit de la nature. Même dans les guerres, il y a un respect pour les enfants, pour les femmes, pour les vieux. Et tant qu'on voit des guerres entre Arabes qui ne respectent rien, personne. les musulmans qui se situent en Soudan, les musulmans qui sont situés en Libye. C'est pourquoi on peut discuter sans se tuer. Et tant qu'on se tue, on devient faible. Tous les pays ont reculé beaucoup de temps en arrière. Et pour revenir, c'est trop. Hein. Parce qu'ils ont planté les armes, c'est comme ils ont fait de la boue dans les pieds de la démocratie. Alors là, il y a un problème. La solution, c'est l'islam, c'est la paix. C'est quoi ce problème ? Problème de arabe. Problème de arabe, il n'y a pas le programme de à demain. Pour regarder à demain, comment on fait ? Mais on n'aurait pas fait un programme. Je fais le voyage, je fais le travail, je fais quelque chose. Le arabe, non. La tête est faite aujourd'hui comme l'aujourd'hui. Il n'y a pas à regarder demain, je ne fais comme on fait le programme de la vie. Il fait la vie comme la jour. Oh, je dormir, j'ai mangé, je ne fais rien pour travailler, pour en faire un bébé, en faire une famille. C'est un petit peu traduire parce que j'ai pas tout compris. Attends, parce qu'on a sorti du sujet. De ce qu'on était. Ouais. Ça, c'est. Louis, il parle de ce qu'il. De la satisfaction. Moi, j'entends qu'il explique. C'est quoi la satisfaction de ce qu'on a ? Louis, dans son discours, il était en train de critiquer les Arabes. Il dit que les Arabes n'ont pas de programme, ils ne programment pas leur vie. Au niveau politique, peut-être, il parle, tu vois, à échelle. Seulement du niveau personnel, presque au philosophique envers la société. Musulmans sont des paroles qui se disent toujours, mais on est toujours poussé à être toujours solide et protéger nos enfants et travailler pour avoir de l'argent. C'est pas dormir. Mais si on trouvait quelques-uns, c'est pas que chez nous, c'est partout. Mais l'homme qui n'est pas motivé n'est pas motivé. Il y a beaucoup de choses qui motivent les gens. Quoi, par exemple ? Pour être motivé, il faut voir les choses et les bien comprendre. Non, mais qu'est-ce qui motive les gens ? On parlait. Qu'est-ce qui motive les gens ? Le besoin. Le besoin te motive à faire des choses, à faire des défis. Et tant que tu as tout entre tes mains, tu ne fais pas beaucoup de défis. Tu attends beaucoup de gouvernement pour te faire laver les biberons ou quelque chose pour te nourrir. Tu vois, mais en retournant au sujet, tu m'as parlé des questions des armes et des questions des gens qui ont des armes et qui ne sont pas sortis des armes après qu'ils ont fini leur guerre avec le Kadhafi. Parce qu'il y a le manque de confiance, de groupe en groupe. C'est pour cela qu'il y a les armes aussi qui règnent dans... Pour faire peur, quoi. Avec les armes, il y a... Ouais. Mais tu disais que l'Occident avait un rôle là-dedans. Oui, parce que la France est bien réjouie avec l'affaire de Kadhafi. Mais avant, ils étaient les amis. Mais personne n'est ami aux Arabes, ils sont les amis de pétrole. Ils protègent leurs tuyaux. Ils oubliaient les gens. Et toi, comment va trouver le Maroc ? Toi, comment le Bruxelles ? Comment quoi ? Bruxelles. Oh là là, mais comment... Bon, quoi ? Bruxelles. Ah, la Belgique. Tu veux que je te décrive la ville de Bruxelles ou bien toutes les ta Bruxelles? Toute la Belgique. Elle va disparaître, la Belgique, le nord avec le sud. Non, la crise est passée. C'était un long moment de discussion entre. J'ai déjà écouté que la Belgique. Les Flamands, problèmes avec les Flamands comme ça. Et les Wallons, oui. Il y a des problèmes. Il y en a eu là maintenant. Économiques ou des problèmes économiques. Les problèmes économiques. Ouais, plutôt de cet ordre-là. Si on devait expliquer l'histoire, c'est que ces deux parties comme ça qui parlent pas la même langue, qui ont pas forcément la même culture et qui ont été collées ensemble pour former un pays au départ. Au Maroc, il y a beaucoup de langues. Mais l'islam, tout est musulman. Ouais, ça, ouais. Ça laisse les choses bonnes comme ça. Quand même. Mais là, on va dire le roi réunit tout le monde, le catholicisme réunit. Mais c'est le vrai. Le roi et le catholicisme ont eu tendance à perdre un peu de la valeur. Le roi, c'est l'islam. Le roi, c'est Amir al-Mu'minin. Je connais le roi. Quoi, le roi du monde? Non, Amir al-Mu'minin, tous les musulmans, mais les musulmans du Maroc, parfois. Ça qui ramène tout. Ça qui ramène tout. Ramène tout. Si le roi ne parle pas d'islam, ça ne ramène rien. Ah oui. Les Européens, comment voir le Marocain? Juste une question. Quoi? Pour toi. Les Marocains. Les Européens, comment voir nous? Il vous dit quoi? Comment... Ouais, je connais les questions? Ouais, ouais. Écoute, moi, je peux pas te dire de manière générale, je suis moi. Mais moi, j'allais dire, déjà, il y a beaucoup de Marocains en Belgique, il y a beaucoup de Marocains en France, il y a eu beaucoup de mixité, il y a beaucoup de mariages mixtes, il y a beaucoup de mélanges, il y a des Marocains qui travaillent un peu partout. À Bruxelles, ça. Adila Lanan, par exemple, à Bruxelles, c'est une Marocaine, elle est ministre de la Culture en Belgique, pour te dire que... C'est vraiment depuis trois générations, depuis assez longtemps, il y a eu toute une génération de... Voilà. Alors, comment c'est vu? Ben, il y a des gens qui apprécient la diversité et qui prennent cette richesse-là. Et parfois, il y a aussi des gens qui pourraient avoir peur. Ça existe aussi. Donc, je ne sais pas si c'est une vision des Marocains ou du Maroc, mais il y a quand même la peur qui est alimentée par les médias, beaucoup. Les médias qui font ça. Mais ce n'est pas tout le monde, hein. C'est une petite partie. Comme... Mais comment tu connais comme... qu'on n'a pas fait de crème comme ça? Comment vous trouvez, comment vous sentir quand vous trouvez un Marocain au Parlement Bruxelles, au Parlement de Belgique comme ça? Moi, je suis contente de ça. Enfin, ça ne pose pas de problème, tu sais. Pas de problème. Tu parles à nous ou bien à la Belgique? À moi. Pour les Belgiques, pour vous aussi. Pour nous. Moi, j'ai aucun problème. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence. Les journalistes comme ça, en Belgique, comment on trouve ça? Ça dépend quel journaliste. Au Parlement, comme ça. Je pourrais poser la question. Je pense, les Arabes, toutes les Arabes, nous sommes comme les Marocains. Il n'y a pas de problème pour toutes les Arabes. Comme ça, les Arabes prennent des problèmes, un petit problème dans la tête. Et comme on dit en français, tu dis le mot qu'il serait dans le Maroc, ou tu es le kbir. Alors, le Hayes dit non. Mais tu te dis que c'est le Shihada. Nous avons eu le Maghreb, le Maroc, la première porte des Européens, à côté de l'Espagne. 15 كيلومتر هي كاكا يمكننا حنا نتفاهموا واقيلا مع الناس المفاهمه ديالنا حنا اكثر من الاخرين نتفاهموا مع الاخرين وهذا هو المشكل اللي تيخلينا حنا الناس زعما على الاخرين العرق المغاربه حيت دابا تنتسموا حنا بوحدنا والعرب الاخرين تيتسموا بوحدهم حنا تنتسموا مسلمين هيب هوب بالعربيه هكا حنا بغينا نقولوها بحال الطريقه نتسموا حنا هذيك هكا واخا وهما تيتسموا داك المسلمين المتشددين دوك التسلمين دوك المسلمين المتشددين ما عمرهم كانوا مسلمين وديما تتبقى النظريه عوجه بيناتنا وفين ما مشيتي في العالم كاين المزيان وكاين الخايب شكرا دابري سون بوين دو فيو بور لو موند عرب que le Maroc est seul et que les autres, ils ont une autre vue ou une autre idéologie différente que le Maroc. Parce qu'il dit que nous, les Marocains, nous sommes très ouverts avec les Occidentaux, nous sommes ouverts avec tout le monde, sauf les voisins qui sont à côté, sont très, parce qu'ils suivent un islam très intégriste. Alors, jamais les intégristes, ils ont réussi, soit de nos côtés, soit de l'autre côté. Parce que l'intégrité, c'est quoi l'intégrité? Ça veut dire être seul. Une petite groupe qui doit être seul jusqu'il devient une personne seule. Et dans la nature de l'homme, il vit toujours dans la société. Il y a plusieurs philosophes qui ont passé des expériences, ils sont réfugiés dans les montagnes et dans les trous, et après ils sont retournés à la société. Parce que l'homme ne peut l'homme est créé par la société, pour la société. Ce n'est pas par la société et qu'il s'éloigne de la société. Il est là. Il doit être là. Il doit vivre. Il doit faire marcher le roue de la vie. Et chacun le fait bouger avec sa petite puissance qu'il peut. Et tout marche bien, de ce que je vois. C'est joli comme manière de... Il a dit, nous remercions le Dieu que nous sommes unis au Maroc. Parce que les Marocains, c'est très, très, très, très intelligent. Mais Il est la plupart ne fait pas la scolaire, mais ils sont très gentils. Ils sont intelligents. Parce que les plupart pas de scolaire comme ça, mais ils sont intelligents comme ça. Évidemment, moi je le crois. كاين واحد المثال مغربي تيقول لك اللي جال بزاف سي موا كيجي ديرها اللي جال بزاف احسن من اللي عاش بزاف اللي عاش بزاف احسن من اللي جال بزاف احسن من اللي il a dit celui qui a beaucoup voyagé mieux que celui qui a beaucoup vécu. Ouais, pourquoi? Parce que tu la connais tout le monde, et toutes les cultures, et tous les hommes, et toutes les idées comme ça. Comme ça. En arabe. Allah, il a. بالنسبه لنا حنا دابا في المغرب شحال من لغه عندنا يلا دابا انت حنا مغاربه بيناتنا شحال عندنا من لغه. Je suivais la conversation parce que ça m'intéressait. Entre quelqu'un qui a voyagé beaucoup et quelqu'un qui a vécu beaucoup, tu penses que c'est mieux celui qui a voyagé beaucoup? Tu voyages 12 années, tu vas mourir. Moi, je vis 80 années, je ne peux pas voyager. Pardon. Tu connais? Moi, je parle de Louis, va... Il veut longtemps, tu veux dire. Ah, c'est qu'il voyage beaucoup. Pardon. C'est mieux qu'il vivre longtemps. C'est ça. À l'âge. C'est dit encore différent de ce que je disais alors. Ouais. Qu'il voyage beaucoup, c'est mieux qu'il vive longtemps. Tu connais? C'est mieux que vivre longtemps. Quelqu'un vivait 40 ans et mourir, mais il voit beaucoup de pays, beaucoup de gens, beaucoup de... C'est mieux qu'il vive 80 années et reste dans sa campagne. C'est mieux, hein, oui? C'est ça. C'est ça l'exemple. Ok, mais enfin, moi n'empêche, s'il faut commencer à discuter de là-dessus, je trouve ça le mec qui est resté assis sur sa chaise et qui n'a pas voyagé. D'accord? Tu suis la conversation? Le type de 80 balais qui est sur sa chaise, qui n'a pas bougé, il est peut-être... Il a voyagé dans sa tête, Mais c'est pas qu'il voyageait, qu'il prend l'avion, voir les mers, voir les montagnes, voir les Sahara. C'est pas qu'il voit dans les livres, dans le journal. C'est pas... Remontons dans l'histoire, d'accord? Prendre l'avion comme nous on fait... Ça se faisait pas parce que ça coûtait la peau du cul, c'était pas accessible à tout le monde. Donc, si on remonte aux origines, voyager, bouger, c'est pas comment on dit ça. À la base, c'est pas courant, quoi, tu vois, c'est pas habituel. Alors, ce qu'il voudrait. Donc ce qui voudrait dire que celui qui est resté dans son bled, dans son village ou dans les villages d'à côté, il serait moins bien que celui... Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis sûre qu'on a aussi un voyage intérieur à faire, quoi. Pas simplement... Le voyage, c'est intéressant. Le voyage, c'est intéressant. Mais la question, je ne pense pas que je connais la question. T'as compris, toi? Il y a le voyage intérieur et pour avoir le matériel pour y accéder à ce voyage, ce n'est pas n'importe qui. Ça se donne pas n'importe qui. Mais le voyage, il peut être sur place. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup voyagé, mais j'ai voyagé dans le Maroc, mais je n'ai pas voyagé à l'extérieur. Mais je peux te parler des autres cultures à travers la conversation et la communication avec les autres gens qui viennent me visiter. Ça veut dire, si tu me parles de l'Australie que tu as vécu, je te crois, ça veut dire comme je l'ai vécu. Et on s'apprend les expériences orales. Parce qu'on ne revient pas au 5e siècle pour avoir des constitutions comme on formait un médicament en herbe. Alors ça, c'était traversé de bouche à l'oreille. Soit par parents, soit par apprentissage. Les choses qui se transmettent, qui ont une continuité. Et tant que le monde maintenant a rentré dans l'industrie, il a commencé à perdre ses traditions qui devraient l'accompagner toujours. Il s'est déveillé vers la technologie, vers la modernité. Et la modernité, c'est la rapidité de la vie. Parce que avant, quand il n'y avait pas d'avion, mais il y avait des voyages, soit par mer ou par terre. Hein. Mais quand on trouve des difficultés à dépasser pour aller à une patrie, on travaille bien la tête pour imaginer comment il sera cette patrie. Ce n'est pas comme tu rêves et le lendemain, ton rêve est là. Tu peux prendre l'avion et aller tout de suite. Et tu peux aller là-bas, et tu ne veux pas être là-bas, si tu es là et tu penses à quelque chose qui est chez toi. Tu peux être absent à n'importe quel moment. Les gens, ils sont absents sans être conscients. Alors, cette absence, on ne peut pas le sentir comme ça. L'absence, quand t'as suivi? Ça revient à la question du présent, hein, de dire que il y a des gens qui, je comprends, il y a des gens qui sont absents sans s'en rendre compte. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là où ils sont encore tirés par l'arrière, par l'autre chose. Donc pour pouvoir voyager et rencontrer l'autre, il faut aussi laisser de côté certaines pensées, certaines... pour pouvoir vraiment rencontrer là les gens maintenant. C'est ça que j'ai compris. Mais j'entends aussi dans ta discussion que tu parles de l'économie aujourd'hui, de ce qu'elle est en train de transformer la base de votre culture, alors qu'il y avait une économie au départ qui était basée sur d'autres valeurs. Moi, j'ai entendu que l'économie traditionnelle de l'islam, ses valeurs à elle, sont en contradiction avec les valeurs du gaspillage, de la société. Ce qui peut casser le gaspillage, c'est le partage. Si tu as une orange, tu peux la partager avec ton ami sans manger un demi-orange et jeter l'autre demi. C'est le partage. Quand tu fais le partage, et l'exemple, c'est de manger dans une assiette. Tu vois, ça c'est naturel et ça fait de l'amour. C'est quand tu fais. Ce n'est pas la raison de la bouffe, mais de l'assemblée, de la discussion, de la tabla. Maïda. Maïda, c'est la tabla. C'était fait même à l'époque des anciens, en Égypte. La Maïda, la table qui est descendue par les juifs pour qu'ils croient la puissance de Dieu, tout. Ils ont tout mangé, mais c'est là, ça s'appelle la maïda, pour rassembler les gens. Mais tu vois, dans l'islam, la sympathie de l'islam, il y a une zakat. Vous connaissez la zakat? C'est une rançon d'argent qu'on devrait donner chaque année, de notre argent qu'on avait épargné, un certain pourcentage, c'est 10%, aux pauvres. Alors... Les penseurs islamistes, les vrais, les anciens, qui ont éclairé et qui ont expliqué l'islam et le Coran, il y a des œuvres qui sont ignorées. Parce qu'il vient beaucoup de choses qui sont bien, mais qui touchent des choses qui sont faites par l'Occident. Parce que les questions de pouvoir dans le monde arabe, c'est tout, tout est truqué, tout est maintenu par des mains invisibles, oui. C'est qui, c'est quoi ces mains invisibles? Ça m'intéresse là. Là, ce sont les relations pragmatiques et entre les grands pays qui représentent l'économie internationale. Ce sont des grandes sociétés invisibles. Ce sont des nombres, des chiffres d'argent que leurs propriétaires inconnus, mais qui sont connus. C'est l'argent arabe, c'est l'argent de pétrole, c'est l'argent de... Et l'argent de matériel, des armes, ils font l'échange. Alors, là où les gens qui n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. C'est... Toujours pour changer, il fallait... C'est comme, on devient comme des moustiques qui s'approchent à la lumière. Mais on peut tendre la lumière hein, si on fait groupe, mais les premiers vont se brûler. C'est comme le Bouazizi de la Tunisie qui a allumé le premier étincelle de la révolution tunisienne. Voilà, et pour boucler ce micro ouvert à Fès, eh bien, on pourrait se dire que clairement, il y a de plus en plus comme ça une montée fasciste, hein, où on doit essayer de trouver un bouc émissaire, des boucs émissaires, et puis c'est toujours les étrangers, c'est toujours les autres, c'est eux qui nous volent le travail, c'est eux qui ceci, qui cela. Qu'est-ce que je pourrais dire à ça, moi ? Que c'est démodé, que c'est dépassé, que c'est vraiment une vision simpliste, que je sais pas, il serait peut-être temps d'imaginer autre chose que toujours la même rengaine, quoi, voilà. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra vraiment clairement prendre position, les gars, hein, et les filles. Bah oui, je sais pas si vous sentez comme ça dans l'air, mais ça sent mauvais, clairement. Quoi de neuf sur la toile? Alors, vous tapez sur le net www.les-additifs-alimentaires.com. Ce site répertoriant les additifs alimentaires repris sur les étiquettes avec des codes de type E210, E311 est complet et simple à utiliser. Colorants conservateurs, antioxydants, émulsifiants, épaississants, acidifiants, exhausteurs, édulcorants, additifs autorisés dans l'alimentation végétarienne, kasher ou halal, tout est passé en revue. Pratique, un guide en PDF peut être téléchargé et imprimé. Également lessive conviviale. Vous tapez www.lamachineduvoisin.fr. Trouvez une machine à laver près de chez vous, lancée par des étudiants de Lille en février 2012. Ce tout nouveau site a pour but de permettre à ceux qui n'ont pas de machine à laver et ceux qui en ont une, à partager, de se rencontrer en échange de services de 2 à 5 euros ou d'une simple rencontre. Il existe déjà quelques machines en Belgique. Également, carte IGN en ligne, vous tapez www.ngi.be/topomapviewer, V-I-E-W-E-R/. Avis aux amoureux des balades, l'Institut géographique national met à disposition du public ses cartes IGN en ligne et les photos aériennes associées. Il est possible de rechercher une localité, naviguer, agrandir, zoom jusqu'au 1/10 millième et imprimer les cartes, le tout gratuitement à condition de respecter les conditions d'utilisation, notamment l'interdiction d'en faire un usage commercial. Thank you.